إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste ainsi que les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Le mappeur de la justice, point de divinité en dehors de lui, le puissant, le sage. ويقول سبحانه وتعالى فاعلم أن لا إله إلا الله، sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. وجاء عند الإمام المسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. D'après Othman, le messager d'Allah dit: celui qui meurt en sachant qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, en dehors d'Allah, entrera au paradis. ومن تعلم هذه الكلمة وفهم معناها وعمل بها وحققها فقد سلك طريقا إلى الجنة. Celui qui a appris cette parole et compris son sens, et œuvré avec, a certes pris un chemin qui mène au paradis. Wa tawhid wa a'zamu al-'ulum wa ashrafu ma yata'allam al-insan wa sharaf al-'ilm bi sharaf al-ma'lum. Et l'unicité est la plus noble et la plus élevée des sciences dans ce que l'être humain, dans ce que la créature peut apprendre. فلذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، وفي لفظ للبخاري فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh au Yémen, il lui dit: tu vas aller vers un peuple des gens du livre, appelle-les à tester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que je suis le messager d'Allah. Et dans la version de l'imam al-Bukhari, et que la première chose à laquelle tu les appelleras, c'est d'unifier Allah, le fait de le rendre unique. Wa hadha dalil ala ahammiyati at-tawhid. Ce hadith est une preuve sur l'importance de l'unicité. والطلب العلم واجب على ما كلفك الله. Et le fait de rechercher la science est obligatoire dans les choses qu'Allah va te demander et les choses qui t'ont été rendues obligatoires. وقد رواه الإمام ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلمين. D'après Anas, le messager d'Allah a dit: rechercher la science est une obligation pour tous les musulmans. C'est pour cela qu'Allah a dit: sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui, en dehors d'Allah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. À l'exception de ceux qui ont témoigné de la vérité, en connaissance de cause. Et ce sont eux qui savent. Et dans le verset, wa hum ya'lamun bi qulubihim ma'ana ma nataqu bi alsinatihim. Et ce sont eux qui savent avec leur cœur le sens de ce qu'ils ont prononcé avec leur langue. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, selon la sécurité, auront la sécurité, ce sont les bien guidés. Alladhina amanu yani saddaqu bi qulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihihim. Ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont été véridiques par leur cœur et qui l'ont prononcé par leur langue et ont œuvré avec leur corps. Ahlu tawhid yashhaduna bil haqq wa hum ya'lamun. Les gens de l'unicité témoignent de la vérité et ce sont eux qui savent. Yashhadun an la ma'buda bi haqq illa Allah. Ils témoignent qu'il n'y a point d'adorer en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Et il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et Allah c'est lui le haut, le grand. وجاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. D'après Abdullah, lorsqu'il est descendu le verset, ceux qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. On a dit au messager d'Allah, lequel parmi nous n'a point fait d'injustice de tort à lui-même. قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك. أَوَلَمْ تَسْمَعُوا لِقَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Le messager d'Allah leur dit, ce n'est pas comme ce que vous dites, n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, bimana par de l'association. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils? Ô mon fils, ne donne point d'associé à Allah, car l'association est une énorme injustice. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في كتاب الكريم وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم فلم يعبدوا إلا إياه ولم يتوكلوا إلا عليه. Les gens d'unicité sont ceux qui ont été sincères dans leur religion et qui n'ont adoré que lui. Et qui n'ont placé leur confiance qu'en lui. Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Wa yaqulu Allah ta'ala, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah. مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez donc Allah et écartez-vous du tagout. ويقول سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم était un guide, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. أهل التوحيد يشهدون بالحق خالصا من قلوبهم خالصا من أنفسهم. Les gens de l'unicité témoignent de la vérité de manière sincère par leur cœur, de manière sincère dans leur être. خالصا من أعمالهم وإنما الأعمال بالخواتيم. On demande à Allah qui nous donne une bonne fin. qui nous fasse mourir sur la faim, qui l'agrée, qui nous fasse mourir sur le tawhid, et qui nous ressuscite tous avec les gens du tawhid. Lina habbna silayna ahlu tawhid. Assalamu alaikum wa rahmatullah.